Je suis allée à la piscine, mais c'était fermé. Si j'avais su, je n'y serais pas allée. J'ai téléphoné à Paul, mais il dormait. Si j'avais su, je ne lui aurais pas téléphoné. J'ai mangé un melon, mais il n'était pas bon. Si j'avais su, je n'en aurais pas mangé. J'ai invité des amis, mais on s'est disputé. Si j'avais su, je ne les aurais pas invités. J'ai regardé une émission complètement idiote. Si j'avais su, je ne l'aurais pas regardée.